qu'est-ce qu'on repoussant, yo. Non, c'est Chickson, hein. Yo, je repose en la triste adolescence, me faire en pénitence. Tout ce que leur vie font plus de sens. Et fils, qu'est-ce que tu penses? J'en fais jamais l'essence, car l'ignorance c'est ce que des situations intenses. Yeah. Et la police veut l'arrêter, mes finances. Comme des cracks tel le soir, mal pris dans une transe. Et yo, c'est pour cela que ma clique est immense. C'est temps, j'ai 7 ans pour nous pour mettre le pain sur la planche. Chose aux étranges, depuis 94. Appliquant la loi de la rue à tout ce qui dérange. Moi, je m'attranche, sinon ça sera la démence. La descente, non. Faire ce feu autour de ma résidence. Yeah. Regarde les yeux du jeune, je vois la souffrance. Se faire en décadence, pour s'évader on abuse des substances. Mais quelques-unes entre elles sont trop intenses. Même que parfois ça nous incite à faire de la violence. C'est tout ce que je te lance, urge bien pour que tu penses. Car les choses négatives filent, je garde ma distance. De Montréal jusqu'à la France, les vraies têtes connaîtront, font partie de la résistance. La vie est brillante, y'a rien de facile, y'a rien de docile. Ces jeunes gosses marchent le mieux style. Et bien les jeunes âges, on connaît c'est le deal. Des fois on passe devant la face de la mort, mais on reste tranquille. La vie de truand, y'a rien de facile, y'a rien de docile. Ces jeunes gosses marchent le mieux style. Et bien les jeunes âges, on connaît c'est le deal. Des fois on passe devant la face de la mort, mais on reste tranquille. On se pose sur instrumental pour exprimer une façon de penser. Au son de la rue, j'ai été percé, cadencé, resté fixé. Sur ce but, on doit avancer, présenter le talent derrière la fumée. J'ai osé tout dépasser et affronter la réalité. Voir ce monde des deux côtés, mais tu sais, un jour perdre, un jour gagner. Se donner, être prêt à toutes ces éventualités. Se donner, révolutionner, et tous ces murs, les faire tomber. Représente ici le vrai passionné, la vérité. Marie-Jeanne nous a intoxiqué, passe-moi le briquet. C'est un truc que je vais enflammer. Jamais renoncer, tu fais affaire à un gars tété. Trop souvent stressé, on devient des zombies quand la nuit est tombée. Embrouille sur embrouille, question de maturité. Rappel pour fonder, sache pour tout éclater. Y'a rien de facile, y'a rien de docile. Ces jeunes gosses marchent le mieux hostile. Et bien jeune âge, on connaît le deal. Des fois on passe devant la face de la mort, mais on reste tranquille. La vie de truand, y'a rien de facile, y'a rien de docile. Jeune gosse marche le mieux hostile. Et bien jeune âge, on connaît c'est le deal. Des fois on passe devant la face de la mort, mais on reste tranquille. En vie de truand, jeune gosse marche le mieux hostile. Les fêtes de la mort qu'on représente.